les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et on proposait Figo, le joueur de foot. Ah non, non, non, José Mourinho. Non, lui, c'est pas le... C'est lui, c'est le patron du Real. Enfin, le patron, c'est l'entraîneur, mais c'est pas... Il joue pas, quoi. C'est pas le pape, non, effectivement, c'est une idée. Ce n'est pas Raphaël Nadal non plus. Ce n'est pas Ronaldinho, mais on n'est pas loin, cela dit. Hein. Bon, voilà, la bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats ou des home cinéma à gagner. Ou alors pour le Luxembourg au 621-783-605. Bonne chance, tout le monde. Et puis ligne anti-relou particulière maintenant, ligne anti-relou avec un relou, mais un gros relou. Vous allez voir, c'est toujours le même message, mais il a du mal à comprendre. Hein. Bonjour Lisette, c'est Olivier. Ben voilà, je t'ai sonné. Bon, si tu veux me rappeler, si tu veux me rappeler sur ce numéro ici, oui. Je ne le connais pas. Donc tu as le numéro. Je ne connais pas mon numéro. Message ici. Et normalement, en appuyant sur le 5, tu sais me rappeler. Merci, bisous. Donc il fait le mode d'emploi également du téléphone, donc ça c'est bien. Alors maintenant, bon, il n'a toujours pas compris, donc deuxième appel. Bonjour, c'est encore moi. Ben oui. Voilà, c'était pour te dire que je suis au zéro, je suis venu fumer une cigarette. Et voilà, donc si tu veux me ressonner, ben, tu peux me ressonner sur ce GSM ici. Et tiens-moi au courant, merci. Bisous. Voilà, donc là, deuxième appel, on se dit, bon, ben ça va s'arrêter. Troisième appel. Oui, bonjour, c'est Olivier. Ben voilà, c'est pour te dire que j'étais ici, évidemment, au quatrième. Donc j'espère te voir avant que tu t'en ailles, donc écoute bien ton messagerie. Et ben voilà. Est-ce que tu peux me ressentir sur ce numéro aussi? Allez, bon, bisous. Tu peux pousser sur 5, hein, si tu veux. Si pas, je sais pas parce que j'en viendrai. Hein. Allez, bisous. Voilà, bisous. Donc là, c'est on se dit. Ce que je disais, hein, les collègues aussi sont des gros. Ah oui, mais là, pour le coup, c'est clair parce qu'on se dit après le troisième appel, bon, il a compris, il a pris sa voix de lover et ça n'a toujours pas marché. Quatrième appel. Oui, bonjour, Lisette, c'est Olivier, le gardien. Ah, c'est le gardien. Ben voilà, te dire que je suis encore ici aujourd'hui. Ben oui. Et je serai encore ici jeudi, l'après-midi. Donc j'espère qu'on va se croiser. Et si pas, ben c'est pas grave, la prochaine fois. Ça va? Gros bisous, bonne fin de soirée. Ben, donc là, on était le matin, maintenant on est déjà à la fin de soirée. Hein. Le mec, il a quand même appelé 4 fois. Et puis un petit dernier pour la route. Hein. Oh non. Bonjour, c'est encore moi, c'est Olivier. Ben, c'était pour te dire que j'ai fini aujourd'hui à 22h. Alors, si jeudi, tu as 5 minutes de temps, tu peux aller boire un verre. Oh putain. En bas ou où tu veux, quoi. Ça va, donc je suis ici jeudi de 14h à 22h. Je pense qu'on a compris. Merci. Tu peux pousser sur 5 pour me rappeler. Hein. N'hésite pas, pousse le 5 si tu veux me rappeler, y'a pas de problème. Voilà, l'ami anti-relou un peu spé ce matin. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizé Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. À la radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Bon, allez, on va vérifier maintenant si effectivement les gens croient aux extraterrestres. Ben c'est ça, parce que ça m'a grave choqué. Enfin, bah répète peut-être pour ceux qui n'étaient pas là à 6h30. Donc les Américains, donc il y a 30%, enfin 35, entre 34 et 35% des Américains, ouais, qui sont persuadés que les extraterrestres existent. D'ailleurs, ils ont fait, je sais pas si vous vous souvenez, ils ont fait une pétition pour ça. C'est-à-dire que Obama, il avait dit, ouais, si vous êtes plus de 250 000 à signer une pétition en me posant une question, ah oui, eh ben, je m'y oblige à trouver une réponse, enfin à vous donner une réponse. Voilà. Et donc justement les Américains avaient lancé une question là-dessus. Bon, ils sont pas arrivés aux 250 000 signatures, donc Obama n'a pas dû répondre. D'accord. Et sinon dans l'absolu par rapport à tout le peuple américain, au final tout le monde s'en fout, hein, visiblement. À peu près. Et en plus là, il y a quand même 20% des Américains qui pensent être déjà rentrés en contact avec une entité. Mais oui, mais attends, mais t'as déjà été plusieurs fois aux États-Unis, donc il doit y avoir de ça. Hein. Ouais, mais enfin parfois quand tu vas dans certaines régions des États-Unis, tu peux quand même te poser des questions. Ah ben j'étais dans l'Oregon, je peux vous dire que c'est dur. Il y a pas que l'Oregon. Non, non, mais bon, là c'est vraiment particulier aussi, cela dit. Hein. Bon, du coup on va appeler à Ouaha. Je ne sais même pas où ça se trouve. Je pense que c'est près de Marchand-Famène. Ah bon? Ouais, dans le coin de Virton. Si vous êtes quelque part à Ouaha, W-A-H-A, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que ça se trouve exactement. Là, j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus, si c'est possible. Merci beaucoup d'avance. Bon, allez, on y va. On appelle à Ouaha maintenant et puis vérification. Ouais, donc si. Si. Non. Si donc on croit aux extraterrestres à Ouaha ou pas. Allez, c'est parti. Pardon. Allez, vaut mieux. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous pensez que les extraterrestres, ça existe. Vous foutez de moi à 6h du matin? Non, pas du tout, madame. C'était une question très sérieuse. Ouais, une question très sérieuse à 6h du matin pour me demander si Haïti qui va débarquer. Oui. Je crois en Dieu, monsieur, pas aux extraterrestres. Ah oui, donc vous ne pensez pas qu'on pourrait être envahi par des petits hommes verts? Non, surtout pas à 6h du matin. Ah, vous pensez qu'ils viendront plutôt en après-midi, alors? Oui, voilà, comme vous. Ah, vous voulez que je vous rappelle en après-midi? Si vous me retournez après-midi, je crois que je vais pas être contente non plus. Ah, bah quand est-ce qu'on peut se rappeler, alors? Vous vous foutez de moi, là? Bah non, mais moi j'aimerais bien qu'on parle d'extraterrestres, et là, je vous sens un petit peu tendue. Écoutez, il est 6h du matin. Oui, vous, hein? Ça vous l'avez... Les extraterrestres, j'y crois pas, je vais répondre à votre question, parce que moi je crois en Dieu, je suis prof de religion... Oui. Hein, les extraterrestres, moi je crois pas. D'accord. Mais est-ce que des Dieu... manipulations, soit avec des machins, les Américains qui ont inventé de nouvelles armes, je ne sais quoi, mais les extraterrestres, tu peux pas répondre. Je crois pas dessus, D'accord. Mais par contre, Dieu, vous, il existe. J'y crois certainement, oui. Ah oui. Plus à la connerie aussi, à la connerie des hommes aussi. Eh ben, très bien, merci beaucoup, madame. Allez, oui, c'est ça. Amen. D'accord, à demain. Ah. Donc, on la rappelle demain, j'espère que tu as bien noté. J'ai bien gardé son numéro, voilà, pour la rappeler. Très bien. Demain. Bon, on la rappellera demain, il n'y a pas de problème. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Stelica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est parti maintenant pour The Free Code Game. Et pour le Free Code Game, nous avons un jingle du Free Code Game. Attention, oui, The Free Code Game. Voilà, comme sympathique. On a mis tout le budget là-dedans. Ah, c'est pour ça que j'ai pas salaire, moi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, salut Cindy. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, avec vous? Eh ben écoute, ça va bien, tu es prête à jouer au The Free Code Game. Bien sûr. Ah, c'est parfait. Alors, le concept du Free Code Game, c'est très simple. Il y a 4 possibilités. Petit paquet, grand paquet, durum ou alors mitraillette. Les questions vont de très facile à très difficile. Évidemment, les cadeaux font pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends un petit paquet, bah, tu auras 5 questions faciles, mais tu regagneras style un CD ou un DVD. Si tu prends le grand paquet, c'est des questions un peu plus difficiles, tu repartiras peut-être avec 4 places de ciné ou un jeu vidéo. Le durum, c'est des questions moyennes, on va dire, pour un cadeau bah, comme des places pour le parc Astérix, par exemple. Et alors, la mitraillette, c'est des questions très difficiles, mais tu peux repartir avec un écran plat, par exemple. D'accord ? Ouais. Alors, qu'est-ce que je te sers? Je vais tenter le gros paquet. Hein. Le gros paquet? Ah, le grand paquet. C'est ça? La mitraillette. Le gros cadeau. Ouais. Donc la mitraillette. Oui. Ah bah la mitraillette, c'est parti. Écoute bien, le concept, il y a 5 questions, tu dois faire minimum 3 sur 5 pour gagner, d'accord? Ouais. Alors ouais. Écoute bien. Voilà, j'ai mis le son de la graisse. En train de frire, non? Oui, ça frit. Ah, normal, nous sommes dans une friterie. Moi aussi. Nous sommes dans une friterie. Écoute bien la première question. Concret. Écoute bien, hein. Concret, oui. Forrest Mars et Bruce Murray en 1935. J'en sais rien. Tu ne sais pas. Eh oui, c'est dommage. C'était les M&M's. Ce n'est pas grave. Ah ouais. Ce n'est pas grave. Oh, c'est chaud, attends. Ah bah c'est la grosse chaud. Ah non, mais c'est pour gagner des gros cadeaux. Après, c'est la culture générale. Ok, allez. Deuxième question. Si on additionne 3 pieuvres, on a combien de tentacules? 3 pieuvres, combien de tentacules? Vite, Cindy, 24, bonne réponse. Ouais. Il faut répondre plus vite. Hein. Qu'est-ce que les éléphants d'Asie ont de plus que... Merde, je recommence, excusez-moi. Qu'est-ce que les éléphants d'Asie ont de plus petit que les éléphants d'Afrique? Vite, une réponse. La trompe, perdu, c'était l'oreille. C'était super facile, ça. Eh ouais, c'était les oreilles. Alors attention, avant-dernière question. Il faut plus perdre. Hein. Non. Combien y a-t-il de cases sur un échiquier? Vite, une réponse. Un échiquier, vite. 27, 64, c'est dommage. Ouf, c'est loin. Et enfin, la dernière question. À 5000 près, combien peut-on faire tenir d'hommes debout sur un terrain de football? J'ai rien compris. Je dis, à 5000 personnes près, combien peut-on faire tenir d'hommes debout sur un terrain de football? 25 000, c'était 51 000 malheureusement, c'est perdu. Oh là là là là là là là là. Eh oui, tu as perdu au Free Code Game. Mais ouais, malheureusement, mais c'est pas très grave. Hein. Bon, ben Cindy, non, pas de regret. T'as vu, ça c'est l'appât du gain, ça, tu vois. T'aurais pu gagner un petit cadeau. Mais non, mais c'est la première à jouer, donc elle pouvait pas c'est savoir vrai. Que ça allait si difficile. Quoi. Bah ouais, mais ça et c'est. En plus de ça, j'ai pas internet, je suis dans un bus scolaire. Eh ben tant mieux. Heureusement, t'aurais triché. C'est ça, sinon, ça se rappelait de la triche. Donc tu vois, c'est bien au final. Hein. Bon, et eh ben écoute, bah tant pis, Cindy, je te fais quand même des gros bisous, d'accord? Ben moi aussi. aussi et j'embrasse mon mari s'il m'écoute. D'accord, salut Cindy, à bientôt. Salut. Et rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer, The Frit Code Game reviendra demain, bien évidemment. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio sur Fun Radio. Bon, nous avons Jonathan qui est avec nous maintenant pour la déclaration express. Salut Jonathan. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien, Jonathan. Bon alors, Jonathan, nous allons faire une petite déclaration express. Tu veux qu'on appelle qui? Ta copine? Ta future copine? Non, c'est ma copine. C'est ta copine et pourquoi tu veux qu'on l'appelle? Ça va plus trop bien dans le couple? Ah. Oh non, ça va bien, mais c'est pour lui dire à quel point je l'aime. Quoi. Oh. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Le mytho. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Attends, il y a le stagiaire qui se réveille, hein. J'ai envie de se calmer, ce petit stagiaire. Bon, Jonathan. Oui. Donc, je disais, tu es avec elle depuis combien de temps? Ça fait 4 ans et demi. Bah, il faut changer à un moment, hein, parce que 22 ans, ça veut dire que ça fait 17 ans et demi. Elle a fait 15 ans, mon Dieu! Oh, t'es son premier? Oui, son premier. J'espère à cet âge-là. Tu sais qu'un jour ou l'autre, elle ira voir ailleurs pour voir comment ça, à quoi ça ressemble. Hein. Ah ouais, elle va pas ronger le même os toute sa vie. Hein. Ah bah, t'es conscient de ça. Merci, Lob. Bon. Jonathan, on va donc appeler ta copine Mélissa. On l'appelle, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire. Et puis, bah, nous, on dégaine derrière, d'accord? Ça va, y a pas de problème. Allez, c'est parti. On y va, on appelle Mélissa, 19 ans, à Ougré. Espérons que ce soit pas le répondeur. Et même si c'est le répondeur, c'est pas grave. Hein. Tu lui dis voilà, j'avais quand même un truc à te dire. Écoute, et puis bon, on verra quoi. Ok? Ok. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel encore là? Ah oui, quelqu'un qui a oublié de vous pousser sur un bouton. Allô, mon cœur? Oui. Oui, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Ah, attention, déclaration express, c'est parti! Ça fait longtemps que t'es avec lui. Ouais, t'as déjà dormi chez lui. Il habite près de chez toi à Serein. Et puis t'as trop c'est ton copain. La première fois qu'il t'a croisé. Comme un gros blaire, il t'a maté. Il aurait voulu mettre les mains. Ça trop bien. Et Méli, il m'a dit qu'il te kiffait. Puis blindé. Puis la première fois qu'il t'a payé. L'était minuit. Souviens-toi, tu t'étais arrêté au paquet pour acheter des clopes. T'étais avec une amie. Et pas ta jaune, elle a trouvé jolie. Puis il est venu t'aborder pour te demander ton numéro. Et toi, t'as pas vraiment surfusé. On a parlé toute la nuit, pendant que les deux autres dans ma caisse se disaient des singeries. Je te regardais, et mon cerveau brûlait devant ton petit décolleté profond. Avec toi j'étais gentil, en même temps je connais tes amis. En plus sont pas tous très gentils, et j'avais pas envie qu'un d'eux me mette une baffe ou me mette un oignon. Ça fait 4 ans que t'es sa copine, et paraît que t'aimes pas la bipine. Lui, ce qu'il préfère, c'est Danny Boone. Yeah. Il est super bien avec toi. Yeah. Surtout quand tu dors dans ses bras. Ses enfants, en fait. Pourquoi que je ne dirais pas? À ce tour-ci, ça ferait des dégâts. Ça fait du quota. Mais puis 4 ans, t'es sa copine. Yeah. Yeah. Ça. Qu'est-ce que tu as? Il est resté 3 heures dans la cabine. Mais ouais, ouais, ouais. Ça fait 4 jours qu'il est sur le dos. Ça. Mélissa, tu en as pensé quoi? Bah très bien, très bien. Non, c'est beau, beau, c'est beau. Ah, maintenant, il l'a rencontré à Serein. C'était le meilleur. C'était le meilleur de la chanson. Bon, Jonathan et Mélissa, je vous fais des gros bisous tous les deux. Vous revenez quand vous voulez. Okay. À bientôt, salut à vous. Et puis si vous aussi vous voulez qu'on fasse une petite déclaration express avec vous, hein, n'hésitez pas pour les inscriptions 3044, vous débutez le message par déclaration ou un mail à lob loeb @funradio.be. Mickaël à la radio, le rythme, Fun Radio.